Mardi 24 mars, bienvenue à l'aérospatiale Julie Gagné avec vous pour discuter art visuel jusqu'à 18h30. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Charles Fleury qui présente Apparition futuriste en aval des couches et du suprême à vue photo jusqu'au 19 avril. Audrey Caro viendra nous faire un petit topo sur les revues là, qui sont sorties depuis le début de la saison. On n'avait pas eu tellement le temps là, d'en faire depuis le début justement. Donc, elle va nous parler des revues S, Inter, Ciel variable, Espace. Puis également, ben, comme BGL est en couverture du Canadian Art, on va en parler parce que reste que c'est quand même quelque chose qu'on attend avec impatience, le passage de BGL à la Biennale de Venise. Aussi, Jean-Tiane La France nous parlera également publication. Elle va parler des livres photos qui viennent d'être édités par Vue, soit Mégantique et Village. On aura la revue de presse, mais Raymond Poirier n'est pas disponible puisqu'il est au Cercle en ce moment pour son spectacle, le spectacle multidisciplinaire Red Rouge Ketchup, pardon, qu'il fait avec Éric Dorion, Frédéric Laliberté, Paul Brunet. Il y a également Francis Desharnais, puis une mise en scène de Jocelyn Pelletier. Donc, c'est au Cercle. Je pense que ça commence, j'imagine, vers 20h. Vous pouvez toujours aller voir sur le site Internet. Le tout sera ponctué des suggestions de Simon Roy, qui lui aussi est absent pour cette émission. Il m'a dit qu'il était en déplacement, mais il a quand même fait son travail. Il nous suggère l'album Mystical Recursion de Christopher Alvarado avec Mystified. Donc, on va tout de suite écouter un extrait de la pièce Graphite. Voilà, donc c'était un extrait de la pièce Graphite tirée de l'album Mystical Recursion. Je vous rappelle que vous pouvez trouver les liens pour le téléchargement gratuit des pièces suggérées par Simon Roy sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Également, l'émission est disponible en balado-diffusion. Il y a les liens aussi pour la revue de presse de Raymond Poirier. Et plus encore, donc vraiment là, un site très complet. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook si vous en prend l'envie. Donc, comme je vous disais en début d'émission, Raymond Poirier est absent, mais il nous a quand même fait la revue de presse, donc il a vraiment fait l'exercice d'aller fouiller dans l'actualité en art visuel. Il nous a sélectionné 5 nouvelles ou à tout moins 5 informations. La première est tirée du site de Libération. C'est une chronique de Paul B. Preciado, qui est philosophe et qui est directeur du programme d'études indépendantes au Musée d'art contemporain de Barcelone, qui est également chroniqueur pour Libération, qui a fait une sorte de billet d'humeur, en fait, sur cette espèce de transformation qu'on voit des musées d'art moderne et contemporain à l'ère néolibérale. Donc, il part des exemples de l'exposition de Björk au MoMA et celle de Jeff Koons au Centre Pompidou pour montrer un peu cette espèce d'idée que les musées, ben, tu sais, l'argumentaire maintenant, comme il y a de moins en moins de subventions dans les musées, ben la dépendance aux subventions doit être dépassée en temps de crise et de faire du lieu un commerce rentable. Dans le fond, il s'attaque un peu là, à cette obligation de faire des grosses expositions, des blockbusters pour faire venir les gens au musée. Il dit que ça transforme le musée en semi-entreprise et que les institutions sont souvent soumises pour les expositions monographiques au régime du big name, donc des grands noms qui sont tout de suite reconnus parce que le musée s'adresse avant tout aux touristes. Il caractérise ce musée-là comme étant ce musée, à tout le moins cette vision muséale-là comme étant celle d'un musée supposée néolibérale qui transforme jusqu'au visiteur local en touriste de l'histoire du capitalisme globalisé. Donc, qui dit, on va dans n'importe quel musée, finalement, on verra rien qu'on ne connaissait pas déjà ou encore qu'on trouverait dans le classement des 100 meilleurs artistes de Taschen, la maison d'édition allemande qui se spécialise dans le livre d'art. Et là, je le cite, il dit, ce nouveau musée baroco-financier produit un signifiant sans histoire, un produit sensoriel homogène, continu et lisse, à l'intérieur duquel Björk, Picasso et Times Square sont interchangeables. Donc, il va quand même pas là avec le dos de la cuillère. Il dit également que maintenant, un bon directeur de musée doit se convertir en chef des ventes, un directeur de programme public doit être spécialiste en analyse du marché culturel, que les commissaires qui, au fil du temps, deviennent de plus en plus importants, voire même plus que les artistes, sont les nouveaux héros de ce processus de spectacularisation. Je le cite encore, il dit « Les expositions sont les produits et l'histoire de l'art devient une simple accumulation cognitivo-financière. » Et là, en un mot, il écrit « MoMA Pompidou, Tate Guggenheim, Abu Dhabi. » Bref, impossible de dire où est-ce qu'on est, par où on est entré, où est la sortie. Et je le cite une dernière fois, il dit « Dans la sphère du musée baroco-financier, les œuvres ne sont plus envisagées en fonction de leur faculté à questionner nos modes habituels de percevoir ou de connaître, mais pour leur interchangeabilité infinie. L'art s'échange par signes et argent, non plus par expérience ou subjectivité. Ici, le signe consommable, sa valeur économique et médiatique, s'émancipe de l'œuvre d'art, la possède, la vide, la dévore et, pour le dire avec Benjamin, la détruit. C'est un musée dans lequel l'art, l'espace public et le public en tant qu'agent critique sont morts. Cessons de l'appeler musée et appelons-le nécro-musée. » Donc, quand même, un texte là, assez intéressant qui dénonce cette obligation d'avoir des grosses, grosses expositions, puis cette spectacularisation des institutions d'art. Donc, c'est comme je vous disais sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. On a appris plus tôt cette semaine, je crois que c'est avant-hier, donc il y a 4 jours, en fait, on est le 24, que le Musée national des beaux-arts du Québec a choisi ses nouvelles œuvres d'art publiques. Donc, 2 œuvres qui ont été confiées aux bons soins de Ludovic Bonnet et Patrick Coutu qui vont créer des sculptures qui seront placées autour du musée du MNBAC, comme on dit, donc à l'avant et à l'arrière du nouveau pavillon La Sonde qui, je vous le rappelle, va être ouvert en 2016. Donc, Ludovic Bonnet propose une cosmogonie sans genèse dans la cour intérieure du pavillon. L'œuvre va être financée avec la politique du musée qui consacre 1% des sommes investies dans les édifices pour l'achat d'œuvres d'art. Puis, à l'arrière, on va pouvoir voir l'œuvre de Patrick Coutu. On dit que les œuvres ont été choisies, entre autres, pour la qualité de leur intégration à l'environnement. Donc, voilà, félicitations à eux. Petite nouvelle assez cocasse, j'imaginais bien Raymond Poirier rire en voyant cette nouvelle-là, c'est tiré de du Figaro. En fait, c'est qu'il y a un animateur néerlandais, Boris Lange, qui présente l'émission Life Hunters, qui a réalisé une expérience quand même assez particulière dans un musée néerlandais où il a placé un tableau IKEA qui vaut 10 euros, donc j'imagine 17-18 $. Bon, je suis pas très bonne pour convertir. Puis après ça, il a demandé les visiteurs de commenter la toile, puis de cet artiste qu'il a nommé Ike Andrews, on remarque bien le IKEA, là, qui est intégré dans le nom. Donc, il a demandé aux gens comment ils interprétaient le tableau, puis il y a eu des explications farfelues, d'autres en profondeur, des réflexions du type « c'est une illustration du chaos dans son esprit, c'est un artiste qui peut mettre des émotions dans sa peinture ». Mais là où ça tombe vraiment plus drôle, c'est qu'il a demandé de donner un prix au tableau, puis là, les enchères vraiment grimpé, parce qu'il y a des personnes qui ont dit, bon, peut-être plusieurs centaines d'euros, une autre qui a dit 666 000 euros, un autre est même monté jusqu'à 2,5 millions d'euros. Donc là, vraiment, cette intervention-là relance à sa manière le débat sur la définition de l'art, puis bon, sur la valeur de l'œuvre d'art et tout ça. Sur une autre note, il y a Christian Bédard, qui est directeur du regroupement des artistes en arts visuels, qui a mis en ligne mardi dernier, en fait, il a dû le mettre en ligne juste après que l'émission se termine, sa réaction, en fait, par rapport à l'annonce de l'Auto-Québec, là, de suspendre son budget d'acquisition pour 2015-2016. Il cite dans son texte Manon Pelletier, qui est la présidente du RAV, qui dit « Cette décision est plutôt malvenue car elle touche une catégorie d'artistes dont les revenus professionnels nets ne sont en moyenne que 2 700 $ par an. » Donc, c'est quand même même là, assez particulier. Il explique dans son texte aussi qu'ils ont contacté un représentant de l'Auto-Québec qui informait le RAF qu'il restera quand même un budget de 100 000 $ pour aider aux acquisitions du Musée d'art contemporain. Mais l'Auto-Québec serait à revoir le modèle d'affaires de la collection, ce qui est quand même, à son avis, assez loin d'être rassurant. Et là, je le cite parce que c'est quand même assez particulier. Ben, j'ai pas besoin de le citer. En fait, ce qu'il dit, c'est que c'est étonnant parce que le montant alloué aux acquisitions représente 0,01% des profits de l'Auto-Québec, soit 350 000 en 2014-2015. Donc là, il se questionne à savoir comment un si petit montant d'argent peut avoir un effet aussi perturbant sur la santé financière de la Loterie nationale qu'il faille vraiment faire une coupure. Donc, il dit qu'ils ont procédé à cette coupure-là sans réfléchir aux effets dévastateurs sur la communauté des artistes en art visuel, sur celle des galeries qui le représentent. Puis il dit encore ici, on perçoit comme une dépense ce qu'on devrait voir au contraire comme un investissement significatif dans notre patrimoine culturel. Bien entendu, cette décision-là s'inscrit dans le mouvement d'austérité mené par le gouvernement. Il dit qu'il crée une autre catégorie de victimes qui sans doute ne pourront manquer de signifier leur désapprobation au moment des grandes manifestations printanières. Donc voilà, ça a été mis en ligne par Christian Bédard sur le site du RAV mardi de la semaine dernière. En terminant, une annonce, quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on apprend, on a appris hier que l'Ordre des arts et des lettres du Québec parmi les récipiendaires, il y en a plusieurs. Là. Parmi ceux-ci, il y a Denis Arcand, il y a Leonard Cohen, Xavier Dolan, Réjean Ducharme et tout ça. Puis, bon, il y a des gens des arts visuels, dont David Altmège, François Sullivan et Félix Lambert. Donc, on les félicite amplement. Sur ce, on fait une pause audio, on écoute... Attendez un peu, c'est en un mot, c'est compliqué. Buckminster Fuller Rain sur les ondes de CKRL. Voilà, on est de retour à l'aérospatiale. J'accueille Jean-Tiane. Bonjour. Bonjour, Julie. Jean-Tiane, tu as mis deux beaux livres sur la table, puis tu viens nous en parler. Oui, donc c'est les nouvelles éditions de Vue. Donc, Vue qui édite des livres depuis les années 90, donc depuis déjà plusieurs années. Également, qui collabore avec les éditions J'ai vu. Et puis, il y a vraiment un tournant qui s'est fait cette année, si on peut dire, dans l'approche de l'édition pour ce centre d'artistes-là, notamment avec ces deux publications-là qui viennent de paraître. Oui, parce qu'habituellement, les livres, j'ai vu, là, sont... Des livres plus petits, des livres qui vont se rapprocher plus de la monographie d'artistes. Ouais, ouais, ouais. Où il y avait également, par exemple, une collection, j'ai vu, où il y avait un dialogue qui s'instaurait entre des textes littéraires et des œuvres œuvres photographiques, donc plus texte et photographie qui s'accompagnent, alors qu'ici, ce qu'on a sur la table, c'est des livres photos. Vu organiser l'an dernier une exposition qui traitait du livre photographique à partir de la collection de Serge Clément en collaboration avec Alexis Desgagnés qui s'est entiché de ce phénomène-là, parce que c'est vraiment un phénomène. Faut dire Alexis, c'est l'ancien directeur artistique là, de qui... Vue qui est rendu à Ciel Variable. Exactement. Donc un phénomène à l'échelle internationale, donc cette espèce d'engouement pour le livre photographique qui est vraiment considéré comme un médium à part entière. Mais oui, c'est ça, le livre et l'œuvre. Là. Donc, ce n'est plus un catalogue, ce n'est pas une monographie, ce n'est pas... Donc, ce n'est pas un outil de diffusion, mais vraiment un médium, un outil d'expression pour les photographes. Donc, c'est vraiment un peu dans la lignée de la photographie d'auteur aussi, parce que ça permet de construire un propos au travers de cette séquence-là d'images. Ben oui, puis ça amène un nouveau regard pour le photographe aussi, là, qui pense page, mise en page, tu sais, suite des images, plutôt comme les images, comme elles sont sur des pages différentes, est-ce qu'on ne côtoie pas non plus? Donc, on peut vraiment se centrer sur les photos qu'on voit. Là. Oui, donc c'est ça, il y a vraiment ce rapport-là qui n'est pas le même rapport qu'on retrouve dans la séquence en galerie, par exemple, où on voit la séquence toute. On embrasse d'un seul regard. Oui, d'un seul regard. Donc, on a ici... Donc, je suis venue ici pour vous parler de ces livres. On a d'abord Village, qui est un livre d'un format assez grand avec une couverture rigide très imposante. Et sur la couverture... La texture du papier sur la couverture est vraiment riche. Donc, la texture de la jaquette qui représente là, une photographie d'un portrait de la reine avec son époux et le titre Village embossé sur le visage de la reine. Et si on retire la jaquette en dessous, on retrouve un autre titre sur la couverture rigide, Kanata, donc en blanc sur un fond bleu. Et à l'intérieur, sur la page titre, on retrouve Canada. Okay, donc, on a ici le propos déjà qui se dévoile. C'est un livre qui traite de la culture amérindienne ici, liée au territoire. Donc, des photographies en couleur. Il y a plus de 120 photographies. C'était assez magistral quand même comme série. Donc, on a, par exemple, la toute première photo. Donc, les photos sont une par double page, donc toujours à droite. Donc, la première photo... En format 5 par 7, à peu près. Oui, hein? Oui. Donc, selon si c'est à la verticale ou à l'horizontale. Donc, on a la première photographie qui est l'intérieur d'une église. Donc, on devine que c'est la basilique Sainte-Anne. Et en bas, on retrouve un titre en français et en anglais. Donc, la Grande Côte. Le principe... de ces titres photographiques-là, c'est qu'on a traduit les noms des lieux où la photographie a été prise, ces noms-là amérindiens qu'avaient les lieux à l'origine. Okay. Donc, on a la deuxième photographie qui se présente après un poème de Desjardins, Richard Desjardins, qui est un drapeau canadien, la nuit, avec un coup de flash, et le titre, c'est Place of Retreat, endroit où l'on se cache. Donc, il y a ce jeu-là qui s'instaure entre ces titres-là qui traduisent des lieux qui ont été nommés dans les langues amérindiennes et des photographies couleur où il y a souvent beaucoup d'humour. Il y a aussi beaucoup de présence de flash, de photographies de nuit. Ouais, des photos de soir. Des photos frontales aussi. Donc, on a vraiment une facture là un peu. Mais ça vient un peu creuser dans notre culture des représentations de la religion catholique dans les lieux publics, aussi des photographies de paysages, des trucs très poétiques aussi. Comme un cintre accroché, tout simplement, pas de vêtements. Du quotidien. Donc des éléments comme ça, des clins d'œil à la culture québécoise, donc ils vont chercher le typique, on reconnaît le typique québécois sans jamais tomber dans le folklorique qui va figer un peu. On reconnaît beaucoup Québec, là. Il y a plusieurs images de Québec où on reconnaît des endroits encore, tu sais, faut-il connaître la ville, mais c'est pas le Château Frontenac, c'est pas le... Non, c'est ça, c'est vraiment le quotidien du promeneur un peu, des photos de promeneurs, de voyageurs aussi, puisque les photographies ont été prises au Québec, en Ontario. Donc, beaucoup de poésie, d'étrangeté. Et puis, ce dialogue-là qui s'instaure, qui vient donner une profondeur à cette séquence d'images-là lorsqu'on découvre les titres. En fait, à la fin, il y a un index où on a la liste des réels noms. Des villes, des endroits où les photographies ont été prises, des noms qui sont parfois en français, comme Sainte-Anne-de-Beaupré, ou parfois amérindiens, Chicoutimi, Québec, Saguenay, donc des mots comme ça qui font partie de notre géographie. Donc, un propos très... Ils nous les traduisent, finalement. Oui, ils nous les traduisent. Ils nous font comprendre aussi différentes choses à propos de ces lieux-là, des fonctions qu'ils ont eues dans la culture amérindienne. Et à la fin du livre, on retrouve, par exemple, une photographie des plaines d'Abraham avec une ombre qui plane, l'ombre d'un nuage. Et en bas, là où le fleuve se rétrécit, « Where the rivers... » the river narrows. Et ensuite, un texte d'Alexis Desgagnés, qui a participé beaucoup à l'édition de cet ouvrage-là, puisque c'est le fruit d'une résidence. C'est un couple, donc je les ai même pas nommés, je m'excuse. Ben non, ouais, je suis pas dans le bon ordre. Donc Clara Kallström et Tobias Feld, qui sont un couple de Suédois qui sont venus en résidence au Studio international de Méduse, okay. Donc avec la pépinière d'artistes européens, jeunes artistes européens. Et c'est donc une coédition de vues et de leur maison d'édition à eux, BBB Books. Donc on reconnaît déjà l'humour dans le nom de leur maison d'édition. Donc un très, très beau livre qui est tiré à... pas des très gros tirages, donc si vous voulez vous le procurer, vous pouvez passer là, à vue, j'imagine qu'il est également en librairie. On va passer maintenant au deuxième ouvrage, qui est un livre qui se nomme Mégantique, tout simplement. Donc Mégantique, pour les Québécois, tout de suite on pense évidemment à la tragédie de Mégantique qui a eu lieu en juillet 2013. Déjà, hein? Oui, ça fait déjà plus d'un an. Donc un livre du photographe Benoît Aquin qui est allé à Mégantique dans l'année qui a suivi la tragédie. Donc on est très très loin des photos spectaculaires, oui, du brasier, hein, c'est ça que je me disais. On n'est pas dans l'explosion, on n'est pas dans le journalisme, on n'est pas dans le compte-rendu des faits, mais vraiment dans l'après-choc, ouais. Dans les traces, dans la mobilisation, dans les dégâts. Donc un livre qui... Dans le quotidien aussi, je trouve, beaucoup. Oui, hein, tu vois des intérieurs, un lit avec... Exactement. Avec des cendres ou... Des gens aussi qui sont tout simplement assis autour de la table de cuisine. Donc, dans le quotidien, mais sans jamais tomber dans le voyeurisme non plus. Il y a toujours une certaine distance, des coups de flash, des cadrages un peu frontaux. En tout cas... C'est vraiment une belle image de la résilience, je trouve, déjà. Oui. Tout à fait, exactement. C'est un peu ça le propos aussi. C'est un livre qui se veut engager aussi parce que bon, c'est une tragédie qui a des causes et qui a des gens qui luttent aussi pour ces causes-là. Donc il y a vraiment un engagement qui s'en dégage. Donc une belle reliure cousue et oui, hein? Les photographies. C'est très le carnet noir en fait à dessin. C'est là, vrai, t'sais. Un peu Moleskine. Oui, un peu, mais plus. Avec les coutures qui permettent de l'ouvrir vraiment à plat sur, ouais, la table. Et la consultation, la plupart des images sont des images qui sont à l'horizontale, donc elles sont présentées sur les pages à la verticale. Les images prennent presque toute la page avec une marge blanche. Donc, on a cette consultation-là qui fait qu'on manipule le livre, qu'on le tourne pour pouvoir suivre ses séquences. Et où les images sont vraiment en relation aussi, là, les unes avec les autres. Ça fait comme une narrativité. Là, exactement. Dans il y a vraiment un dialogue qui s'instaure dans ces diptyques-là qui se créent, dans ces séquences-là qu'on découvre au fil des pages, des liens formels. Des liens formels, exactement. Des fois, des évocations. On ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, mais on peut inventer une histoire parce que il y a très, très peu de légendes. En fait, il n'y a pas de légendes. Les légendes se retrouvent à la fin. Les titres aussi, j'imagine. Six titres, il y a. Oui, donc c'est ça. Il y a quelques légendes, mais il n'y a pas de titres. Okay. Donc, on a vraiment là, une histoire qui s'invente dans notre tête aussi à mesure qu'on consulte l'ouvrage. Donc, on a la reconstruction, on a le nettoyage, on a donc des éléments comme ça. Et puis, une photo très évocatrice aussi vers la toute fin de l'ouvrage. Un billet de 50$. Ouais, tout brûlé. Soulier. Ouais. Brûlé. Donc, on a cette espèce d'aspect de la finance, de la tragédie, de ces restes. Des conséquences de l'économie oui, de bas échelle. Exactement. Là, parce que c'est un 50$, là, tu sais, c'est pas un 1000$. Oui. Ou, Donc, on a vraiment, là, beaucoup d'images très évocatrices, et puis très, c'est tout ce qui entoure, hein, c'est vraiment l'épicentre. Il y a l'explosion, mais il y a tout l'épicentre, il y a cette onde de choc, ouais. Et c'est vraiment ce à propos de quoi sont les photographies. Et à la fin de l'ouvrage, on retrouve un texte d'une citoyenne de Lac-Mégantic, Marilyn Savard, donc vraiment donner une voix à une citoyenne qui a vécu la tragédie et qui en ressent la colère, qui ça lui a donné le goût de s'engager aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose de très prenant dans ce livre-là qui est magnifique. Donc, deux éditions qui s'inscrivent vraiment dans l'objet livre-photo, le médium qui tend à être autonome vraiment, mm-hmm. comme en dehors de l'outil de diffusion. Qui ne devient plus comme une trace, qui n'est plus documentaire. Qui n'est plus un document qui est lié à une exposition ou à des écrits, mais qui est vraiment là, une forme d'art autonome. Donc, qui permet de réfléchir la photographie et qui permet aussi de développer un moyen d'expression qui permet de développer un propos aussi au travers de la séquence des livres. Donc, c'est vraiment un virage, je dirais, là, dans les éditions de Vue. Très intéressant à suivre. On a oui. hâte de voir ce qui s'en vient aussi. C'est bon. Mais Jean-Thiane, la France, merci beaucoup. Donc, pour ce beau regard sur ces livres-là, en tout cas, moi, je les ajouterais bien à ma collection. Voilà, on s'en va en pause. De retour, on discute avec Audrey Caro. Dom La Nena présentera son nouvel album Soyo au Théâtre Petit Champlain le 28 mars prochain. En abordant des territoires musicaux encore inexplorés, la jeune Brésilienne vous touchera par ses longues mélodies, portées par un accompagnement de violoncelle et de piano. Dom La Nena au Théâtre Petit Champlain le 28 mars, 88 692 2631 ou théâtrepetitchamplain.com. Mois de mars, c'est au Bal du Lézard que ça se passe. Le 7 mars prochain, à 21h, place au Texas avec The Texas Rednecks, une formation qui revisite le country, folk et bluegrass dans des compos originales reprises du répertoire américain. Le 14 mars, 21h30, Écuse, un trio d'exception au son unique, planant et atmosphérique. Le 17 mars, le Bal du Lézard voit vert. Venez festoyer pour la Saint-Pats avec The Stoots, le parti débute à 21h30. Ne manquez pas également tous les dimanches les matchs d'impro du Bal. Le Bal du Lézard, un partenaire majeur du Radioton 2015 de CKRL, informez-vous sur lebaldulezard.com. Samedi le 28 mars, CKRL vous propose, lors de son Radioton, une rencontre avec Paul-André Cassidy pour souligner ses 20 ans de carrière. Les Petits Matins Menteurs, une véritable émission sur le faux. Un concours de recettes de Curry Rice Krispies de la Folle Fourchette et plus encore. Cette journée du Radioton 2015 vous sera présentée par Télé-Québec. Découvrez la chaîne culturelle de Télé-Québec sur le web, une plateforme vidéo unique qui réunit sous une même adresse les artistes de partout au Québec. Participez au concours La Fab branchée sur les talents d'ici. Jusqu'au 27 mars, visionnez les 10 vidéos régionales et encouragez nos créateurs en votant pour celle de Québec. À gagner, un iPad Air 2. La Fabrique culturelle.tv/concours.

temps-ci, dont Marc-Antoine Cafaneuf, qui a fait dernièrement une résidence à la bande vidéo et qui, pas plus tard qu'hier soir, faisait une présentation là, d'un, si on peut dire, assez folle, là, un montage diaporama de photographies glanées sur le web, entremêlées d'une histoire, d'un récit, ma foi, rocambolesque, mais tout à fait hilarant. Ben oui. Et à l'image de Marc-Antoine, donc, on parle en fait davantage de son travail ici avec la culture pop, justement, et son approche un peu conceptuelle de tout ça. Mais également Benoît Aquin, que, ben oui, dont Jean-Pierre, c'est ça, vient juste de parler. Donc, un article aussi sur Benoît Aquin, rédigé par Olivier Asselin. Donc, si on peut dire, c'est pas mal le topo sur Québec, si on peut dire, là, les artistes reliés à Québec. Mais sinon, peut-être faire un bref aperçu aussi de la revue Inter. Hein. Le prochain numéro va être lancé sous peu, là, au mois d'avril, mais quand même, je voulais souligner un numéro assez intéressant sur les organisations artistiques d'ici et d'ailleurs. C'est ça le thème. Et je vous dirais, c'est quand même assez pertinent dans le contexte actuel où on sait que les organismes en arrachent, hein, particulièrement donc les centres d'artistes comme Le Lieu, qui gère également aussi la revue Inter. Mais il faut dire que c'est assez intéressant. On pose un regard, oui, sur les centres d'artistes au Québec, au Canada, mais également sur des organisations à l'extérieur, donc en Europe, en Amérique latine également. Donc, voir un peu faire une mise au point là, du contexte de ces, si on peut dire, ces organismes alternatifs. Oui, puis voir aussi comment on se positionne au Québec. Exactement. Que ça ressemble à ce qui se fait ailleurs, à l'international et tout. Exact. Donc ça, c'est assez intéressant. Puis en même temps aussi, publication de d'anciens textes, des textes parfois qui datent de 20-25 ans. Ah là. Ouais, OK, pour voir comment le regard a changé. Exactement, c'est ça. Donc des textes de Gilles Artaud et aussi, je pense, un vieux texte de Richard Martel. Il faut dire que, par exemple, je voulais faire une petite parenthèse en disant que Richard Martel brille beaucoup dans la revue, là, particulièrement dans ses textes. On sent son engagement ben, aussi, c'est vraiment, ses prises c'est de position. C'est toute la question du réseautage, puis tout ça, c'est très, très important pour lui, là. Oui, exactement, puis ça se sent très, très bien dans ce numéro-là. Donc, pour ceux qui sont intéressés au milieu là, des arts, des organismes et tout, ben c'est un numéro fort pertinent, je dirais, ici. Également, ben, un petit topo sur Ciel Variable, ben oui. Bien sûr, qui nous propose un beau dossier sur l'habitat, hein, la notion d'habitat. Et c'est Alexis Desgagnés qui a été nouvellement engagé, qui a géré ce dossier-là de front, donc ancien directeur artistique chez Vue. Et puis, dans le fond, on s'intéresse donc, bien sûr, comme d'habitude, à des portfolios d'artistes. Et notamment, Normand Rajotte, Stephen Gilles ou Gill, enfin, je ne sais pas trop si c'est un francophone ou pas, mais enfin, des artistes qui s'intéressent à l'observation, à l'investigation, mais dans le quotidien. Donc, Rajotte qui s'intéresse vraiment à son milieu, dans ses alentours. Il a photographié vraiment des lieux, des territoires qui lui étaient très familiers. Et récemment, il a vu que ça a été transformé par l'activité des castors. Oh, donc, okay. Intéressant de voir comment ce paysage-là s'est transformé. Il en a capté les images, mais également aussi notre ami Stéphane, lui, ben, il s'est intéressé aux pigeons qu'on voit sous les ponts, comment ces animaux-là se sont adaptés à la vie urbaine. Donc, quand même intéressant. Et notre collaboratrice Jean-Tiane qui signe aussi un article dans cette revue-là sur l'artiste Alison Tweedy et qui compose des vues d'une cité-jardin idéale à partir d'images de revues qui font la promotion de la vie dans l'Ouest américain. Oh, OK. Donc, quand même assez intéressant. Et sinon, on découvre également aussi le travail de Steve Veilleux aussi dans ce portfolio-là qui, lui, s'est intéressé aux promoteurs dans la banlieue. Donc, quand même assez intéressant. Vraiment l'habitat, là, au sens large. Au aussi, sens large, là. Exactement. Autant aussi naturel que urbain, mm-hmm. également. On a aussi la revue S qui nous propose un dossier sur les religions Donc, un sujet quand même assez actuel dans notre contexte. Et on essaie de voir, bien sûr, les échos de la religion au sein du champ des arts visuels, particulièrement les enjeux politiques, sociaux, philosophiques et esthétiques dans les pratiques artistiques. Donc, on va aborder des œuvres au caractère soit fictionnel, humoristique, critique, qui usent de subversion aussi, qui font un amalgame de codes religieux. Donc, voilà. Donc, on traite également aussi de foi, de rituels, de questions territoriales aussi de la religion et également d'affirmation d'identité culturelle et religieuse. Donc, on éloigne un peu du spirituel mais pour aller vraiment dans le concret, on traite même également de la religion à l'ère du numérique aussi, donc quand même assez intéressant comme approche là, d'un article de Boris Groys là, qui finalement parle des images numériques comme étant intangibles, immatérielles, un peu comme Dieu. Ça laisse réfléchir. Mais également aussi, peut-être pour terminer, oui. On va y aller avec Espace qui, eux, proposent un numéro sur les dioramas. Hein, c'est le genre de mise en scène, de la constitution vaguement naturaliste. Exactement, qu'on voit ça dans les musées d'histoire naturelle. Bien, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'artistes contemporains utiliser... Comme Catherine Plaisance, entre autres. C'est ça, qui utilise donc ce type de présentation dans leur pratique artistique. Alors, un numéro à découvrir aussi. Voilà. Bien, Audrey, merci beaucoup. Ça fait plaisir. À la fin, tu me disais que tu voulais parler des matinées méduses qui auront lieu au mois d'avril. Oui, bien sûr. C'est simplement pour rappeler à nos auditeurs une nouveauté chez Méduse. Tous les vendredis du mois d'avril, une collègue à Méduse chez VU, Julie, qui va faire des visites commentées de Méduse. Donc, si vous vous questionnez à savoir qu'est-ce que c'est cette bête-là, qu'est-ce qui s'y trouve, il se cache. Ça montre à cette tête-là. Exact. Eh bien, c'est tous les vendredis du mois d'avril à compter de 10 heures. Donc, on se réunit dans le hall là, d'entrée de Méduse, là, où les salles multi et le studio d'essai. Et c'est d'une durée de 2 heures. Et c'est gratuit, important de le dire. Gratuit, voilà. Donc profitez-en. Ben oui, puis saluons le bel effort de médiation entrepris par Méduse. Exactement, oui. Ben merci, Audrey. Ça fait plaisir. On se voit bientôt. Donc, on part. Oui, je recommence. On va en pause audio. On écoute la pièce C70. C'était un extrait de l'album Mystical Recursion de Christopher Alvarado avec Mystified. C'est une suggestion de Simon Watt. Je vous rappelle, vous pouvez trouver les liens pour, sur le site l'aérospatiale.wordpress.com, également l'émission en balado diffusion, puis tous les communiqués qu'on reçoit pour les expos en art visuel à Québec. Je l'ai annoncé en début d'émission, je suis allée faire un tour à vue pour voir l'exposition Apparition futuriste en aval des couches et du suprême de Charles Fleury. J'accueille à l'instant. Bonjour. Bonjour, bonjour. Charles, c'est intriguant ce titre-là. Peux-tu nous décortiquer Apparition futuriste en aval des couches et du suprême? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup. Et grosse question, grosse question de départ. Je n'étais pas prêt. Cassé. Boum. Écoute, Apparition futuriste en aval des couches et du suprême. J'aimais bien en aval des couches et du suprême parce que je trouvais que ça ressemblait quasiment à un slogan de poulet fusé. Ouais, le suprême. Ouais, le suprême, les couches, tu sais, en aval, je trouvais ça assez rigolo. Mais au fait, c'est que j'ai travaillé beaucoup par superposition de couches dans mes photos. Fait que c'était vraiment des superpositions. C'était des photos refotographiées. Sur lesquelles tu intervenais, tu refotographiais, tu intervenais encore. Exactement. Fait que, donc, je trouvais que ça, les couches s'affitaient. Le suprême, alors, on pourrait discuter longtemps du suprême. Qu'est-ce que le suprême maintenant? Qu'est-ce que. C'est le divin. Le divin, un état au-delà de. Au-delà de qu'est-ce qu'on connaît maintenant, peut-être? Du monde visible. Du monde visible, exact. Donc, c'est ça. Et puis, apparition futuriste, ben, tu sais, j'aimais bien l'apparition parce que, tu sais, c'est quand même des photographies un peu... Ben, c'est pas vraiment des icônes, mais en plus, ça joue un peu ce rôle-là. Donc il y a un peu un côté d'apparition de ces personnages-là qui sont un peu... beaucoup manipulé. Puis futuriste, ben, j'aimais bien le mouvement futurisme qui a cru à la machine et justement à l'avancement de la technologie vers un nouveau monde, puis tout ça. Puis on est encore un peu dans cette idée-là de genre du progrès technologique, etc., etc., etc. Donc on peut voir un lien formel, là, tu me dis ça, puis tu sais, j'avais pas pensé au mouvement futuriste, je pensais futuriste projection dans le futur. Puis là, je repense à ces œuvres comme ça qui montent, là, tu sais, qui peuvent un peu évoquer la voiture là, de Marinetti, par exemple, la description de l'accident, c'était... Ouais, il y a un... Ouais, ça, c'était, là, tu me fais un lien que je n'avais pas vu moi-même, mais non, mais sinon, ouais, ben, il y avait un peu les deux aussi, tu sais, apparition futuriste dans le futur aussi. Tu sais, je veux dire, on n'est pas, on s'en va pas vers un mouvement humaniste, fait que, tu sais, les personnages sont assez malmenés, là, tu sais, genre, on est dans un monde un peu, bref. Mais... Et, bon, là, ça, c'est le fruit d'une résidence à vue. Oui. Je serais curieuse de voir, c'était quoi ton intention? Au départ, qu'est-ce que tu voulais aller faire à vue, puis comment ça s'est transformé? Parce qu'on sait une résidence là, dans ma tête, à tout moins, c'est pas figé. Là, je vais là-bas, je fais ça, puis je nécessairement toujours au bout là, de ce que j'avais dit au départ. Ben, au fait, oui, c'est une résidence. Ben, le projet partait sur. Quand tu as une résidence, tu soumets un projet. Mm-hmm. Donc, le projet partait sur l'idée de c'est quoi le saint contemporain? En quoi les gens ont la foi maintenant? T'sais? Pas la foi nécessairement au sens religieux, mais la foi en quoi on croit, sur quelles valeurs on se base pour croire à certaines choses. Puis, donc, c'est ça, je suis parti avec ces images-là de personnages qui viennent de la basilique, des têtes en cire. OK. Eux autres ont accepté le projet, puis... À partir de là, j'ai fait faire quelques prints, mais la résidence me permettait justement de faire des prints et puis de refotographier, de refaire faire des prints et de refotographier, etc., etc. Fait que ça a fait comme aplanir les couches d'interaction sur les photos. Ouais, je comprends. Ouais. Est-ce que vous comprenez, les auditeurs? si vous comprenez, vous pouvez nous écrire aérospatiale.ccrl@gmail.com. Vous pouvez toujours livrer votre interprétation. Je trouve ça intéressant parce que tu parles des couches, donc des couches de manipulation, donc une accumulation aussi de manipulation. C'est un lien que je vois. Bon, tu sais, j'en rappelle avoir vu là, l'allégorie de la caverne. C'était quoi dans le titre? Décharge festive, allégorie, concave. J'oublie. Ouais, décharge festive d'une allégorie concave, voilà. Je pense. Bon, j'avais au moins les termes généraux. Puis on sent que cette idée d'accumulation-là, elle est présente quand même dans ton travail depuis un certain temps. Est-ce que c'est justement de photographier, de refotographier, de retravailler comme ça, c'était volontaire dans cette idée d'accumulation? C'est pas facile, hein, comme question? Non, mais un peu, mais... Il y a quelque chose derrière, hein? Est-ce que ça s'inscrivait dans cette idée d'accumulation, d'intervention et tout? Oui, un peu, ben... au fait, réintervenir sur une photo puis refotographier, tu sais, ça aplanit l'intervention puis ça intègre l'intervention dans l'image. Mm-hmm. Fait qu'il y a une perte de référence par rapport à, tu sais, comment ça a été fait. Fait qu'il y a quelque chose que j'aimais dans ça. Puis tu sais, il y a quelque chose... Tu sais, moi, je me réfère toujours un petit peu dans le monde dans lequel on est. Tu sais, je me raconte des histoires par rapport au monde dans lequel on est. Puis tu sais, on est dans un monde qui a beaucoup de couches identitaires, tu sais, si on pense aux médias sociaux, mm-hmm. puis aussi aux suggestions, tu sais, par la publicité, par la télévision. On est dans un monde qui est hyper suggéré. Fait que des fois, je trouve qu'il y a une perte identitaire dans toutes ces suggestions-là. Puis que moi, je faisais une petite comparaison justement avec, tu sais, les photos où justement, tu sais, tu fais plein d'interventions, plein de couches justement, puis tu perds un peu la référence, tu perds un peu comment ça a été fait, et puis le rapport au réel, ouais, aussi. le rapport au réel. Déjà là, c'était des têtes en cire à la base, tu sais, que j'avais photographié, fait que c'était la représentation d'une représentation, puis là, de refotographier, fait que ça fait des couches de représentation, donc on perd un peu le sens de d'où vient l'image initiale. Puis c'est intéressant aussi parce que, tu sais, ça questionne, il y a plusieurs artistes aussi qui questionnent la chose, mais le rapport de la photographie au réel, tu sais, parce que souvent on se dit, ben la photo c'est ça, c'est un instant figé, ça peut être toutes sortes de choses, mais là, dans ton cas, c'est aussi une photographie, tout un processus, puis de transformation du réel. Ouais, ben oui, au fait... quelle est la question? C'est un commentaire, en fait. Je fais souvent des commentaires. J'ai envie de parler peut-être de la mise en espace. Bon, on a parlé de l'exposition à regard qui a eu lieu il y a déjà 3 ans. Bon, c'était très chargé, là. C'est vraiment comme un habitat, une caverne, justement, là, que t'avais créé. C'était très baroque aussi. On sent encore, il y a une dimension baroque qui est encore très présente, mais j'ai l'impression que t'as comme allégé ta mise en espace, que tu l'as espacé. Oui, bon point, bonne observation, Julie. Effectivement, j'ai un peu épuré le travail. Ben, j'avais l'impression que quand tu fais un tas, ben, c'est un peu... En faisant un tas, c'est au fait, tu perds un peu... Quand, dans le chaos, tu as un peu de la misère à discerner les choses. Fait que j'ai décidé un peu d'épurer pour que les gens puissent mieux observer les objets. Quand tu mets un tas, tu perçois... le tas comme étant une entité propre, fait que tu vois moins ses parties qu'il compose, par exemple. Donc, c'est ça, dans cette expo-là, j'ai comme essayé de moins faire un tas. Je me suis grandement retenu pour ne pas faire de tas, mais c'est ça, finalement, ouais, c'est ça, j'ai plus épuré les trucs. C'est plus des objets singuliers que quelque chose qui est installatif. Ben, c'est installatif, mais tu sais, ça prend moins... Chaque élément a plus une valeur individuelle... Et que tu parles bien. On sort un peu peut-être du baroque, là, puis de l'accumulation, puis... Ouais, exact. Puis comment tu trouves ça, ce changement-là? Ben, je sais pas, hein, tu sais, écoute, j'ai décidé de plus le faire comme ça. C'était pas tout prévu d'avance. Moi, quand j'arrive en galerie, j'avais une semaine pour faire le montage. Ouais, on m'a dit que t'arrives avec ton stock, puis tu choisis. Puis exactement, je choisis, puis je fais l'assemblage au fur et à mesure. Puis ça aurait pu prendre la direction du tas, mais j'ai essayé de changer un peu. C'est plus un peu un accrochage... Ben, je dis muséal, c'est pas un accrochage muséal, mais c'est plus, t'sais, équilibré, où est-ce qu'on voit chaque objet qui est un peu distant l'un de l'autre, puis c'est plus équilibré, mettons, comme mode d'accrochage. Mais quand même, tu as choisi des endroits, le coin du mur, en bas par terre, tu sais, on sent que tu as cette volonté de casser le regard un peu plus classique ou normé, ouais, mettons. Ben, ouais, c'est sûr, mais tu sais, c'est aussi... c'est aussi une espèce de mécanisme que j'ai en moi de t'sais, si tu me donnes cet espace-là, je vais le prendre aussi. Là, dans l'atelier, ça ressemble beaucoup à ça. Là, ça crée souvent des débordements dans l'atelier. Fait que t'sais, j'arrive en galerie, puis un peu, c'est un peu la suite des choses, dans le fond. on continue dans la même optique, là. Donc, tu sais, c'est comme j'ai accroché un objet en haut, mais tu sais, j'avais mis une guirlande qui partait d'en haut. Fait que là, je me suis mis à voir la tablette qu'il y avait au-dessus. J'ai dit, il faut que j'accroche quelque chose là. Puis ça va comme suit. Puis à un moment donné, tu te rends compte que tu as tout rempli. Puis ainsi va la vie. Peut-être en terminant, il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant. C'est bon, je vais parler du baroque. Là. Je suis sûrement pas la première à parler de baroque pour ton travail. Là. Tu me regardes d'un air entendu. Oui, oui. Ça va, je l'ai entendu souvent. Oui, je le veux. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi dans cette dimension paradoxale de la fête, ouais, puis du drame. Puis j'ai senti ça aussi quand même là, dans l'exposition. Tu sais, c'était émotion positive, puis négative. La beauté, laideur, tu sais, beaucoup de contrastes comme ça. Ben oui, j'aime bien le concept de fête ratée. Je trouve que ça nous représente bien en tant que groupe. au fait, tu sais, on est bien, on a une belle image, il y a une belle image, tu sais, du bonheur, tu sais, quand même, qui nous entoure, tu sais. Mais quand tu grattes à l'intérieur, tu sais, c'est souvent un petit peu plus noir, un petit peu plus sale. Voilà. Voilà. Ben, Charles Fleury, c'est le mot de la fin, on me glisse à l'oreille, c'est fini. C'est fini. Donc, je te remercie. L'exposition Apparition futuriste en aval des couches et du suprême est présentée à vue jusqu'au 19 avril. En terminant, je vous invite, il y a plusieurs événements vernissages vendredi 27 mars à l'œil de poisson, mais aussi, et ça c'est mon petit dada, en dehors de l'émission de l'aérospatiale, j'enseigne au cégep de Lévis-Lauzon et les finissants font une exposition à regard, exposition qui s'appelle Parcelle identitaire. Donc, première partie de leur exposition de finissant qui commence vendredi 27 mars à 17h, donc à regard. Voilà. Sur ce, je remercie mes invités, collaboratrices et Jacques Gignac pour son travail à la mise en onde et je vous laisse avec Gilles Chaumel.